des hommes. Une histoire d'amour entre elle et moi. Mon amour, ça fait longtemps que je suis parti. Trop tant de jours. Et tous ces gens gentils, gentils, gentils. Mais ça le fond, tout ça le front. La lune a beau sourire, la nuit c'est encore pire. Que la neige, le sang, le blanc, le froid se mêle, me rappelle que je suis loin de toi. Que la neige, le sang, le blanc, le froid se mêle et me rappelle que je suis loin de toi. Je suis seul dans la ville quand tu me lâches la main. En face, nous, les bons. Allez, tire, juste au milieu du cœur. C'est pas une fleur, t'as au bout du fusil. Allez, tire, fais tout ce qui meurt. C'est la chienlit. J'ai pas osé, j'ai pas dit que la fleur au bout de mon fusil c'était toi. J'ai pas osé, j'ai pas dit que je voulais pas te perdre. Seul dans la ville, quand tu me lâches la main. Je suis seul dans la ville, comme un trois pour rien. On était main dans la main, un grand soleil, et puis plus rien, et puis plus rien. Quand je me suis réveillé, je leur ai demandé où était le soleil, ils ont bien rigolé. Depuis ils disent que j'ai une tête brûlée, qu'y a rien dedans. Tout est calciné, qu'il n'y a rien dedans. Que tout est calciné. Mais moi je l'ai vu ce soleil. C'est dans mon lit qu'il vient se coucher. Mais moi je l'ai vu ce soleil. C'est dans mes nuits qu'il vient chanter. Je suis seul dans la ville quand tu me lâches la main. Je suis seul dans la ville comme un froid pour rien. We'll be right back. l'armistice, qu'ils disent que c'est pas grave, on a gagné. Il faut un gagnant dans une guerre.